France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences, Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est la marche des sciences. Je suis un conteur, pour le meilleur et pour le pire. Je soupçonne l'amour des histoires, des récits, d'être une disposition humaine universelle qui apparut en même temps que nos facultés langagières, la conscience de soi et la mémoire autobiographique. Il était un conteur, c'est certain, pour le bonheur de ses lecteurs de par le monde et pour témoigner sous cette forme littéraire de la réalité de son quotidien de médecin. Neurologue et psychiatre à la fois, il révolutionna ces deux disciplines en les mariant, travaillant au contact de personnes atteintes de maladies incurables, des cas tragiques, vivant avec la souffrance au quotidien. Un monde devenu son monde, où l'empathie, la fraternité, la compassion, la fascination, se mêlait imparablement au détachement nécessaire à tout praticien dans cet exercice novateur de la médecine. Sachs ira loin s'il cesse d'aller trop loin, avait écrit un de ses professeurs visionnaires alors que le jeune Oliver avait à peine 12 ans. D'une énergie débordante, Oliver Sacks n'eut de cesse d'aller toujours plus loin, mu par ses passions, ses amours, son humour et le goût des autres. À l'occasion de la parution en France de son dernier livre, intitulé « En mouvement, une vie » et édité au Seuil, nous vous proposons aujourd'hui, en direct sur France Culture, un portrait posthume de cet homme, neurologue de renom, médecin iconoclaste, auteur à succès, un humaniste, un ouvreur de conscience, à l'écoute des autres et du monde, jusqu'au bout. Avec à mes côtés deux invités ayant bien connu Oliver Sacks, Israël Rosenfield, médecin, philosophe, professeur en histoire des idées et auteur notamment du livre « L'invention de la mémoire », un livre préfacé par Oliver Sacks et paru chez Champ Flammarion, pardon, et Jean-Luc Giribonne, son éditeur et ami et écrivain. Une première partie d'émission qui sera, vous l'avez compris, émaillée de textes lus par Jean-Christophe Lebert, des textes qui sont extraits du dernier livre d'Oliver Sacks et avec aussi quelques archives sonores dénichées à l'INA par Anaï Morales. Et puis, en seconde partie d'émission, vers 16h45, place à notre partenaire pour la science, qui publie notamment dans son numéro de février, consacré à l'astronomie des neutrinos, un entretien avec Marco Zito. Il s'agit du physicien de l'IRFU, l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, au centre du CEA à Saclay. Il est également membre de la collaboration 2TK. TK2. Il nous racontera l'histoire de la découverte de ces neutrinos et celle à venir pour demain. Et puis, nous commenterons aussi avec lui l'annonce officielle qui devrait être faite désormais dans une demi-heure de la découverte d'ondes gravitationnelles, une révolution dans le monde de la physique et de l'univers. Mais tout de suite, retour sur la vie d'Oliver Sacks par lui-même, le roman d'une vie, le destin d'un neurologue atypique. Dans le pensionnat où, à l'âge de 6 ans à peine, l'on m'avait envoyé passer une partie de la Seconde Guerre mondiale, je m'étais senti si emprisonné et désemparé que le mouvement et la puissance m'avaient terriblement manqué. J'aspirais à circuler librement, si ce n'est à acquérir des pouvoirs surhumains. Je goûtais brièvement à ces sensations dans mes rêves de vol, ou d'une façon différente, au cours des séances d'équitation auxquelles je m'adonnais dans le village proche de cette école. J'adorais la force et la souplesse de mon cheval, dont la mobilité fluide et joyeuse, la chaleur et la douce odeur de foin sont toujours gravées dans ma mémoire. Avant tout, j'aimais les motocyclettes. Mon père en avait eu une avant-guerre, une Scott Flying Squirrel, dotée d'un gros moteur refroidi par eau, dont le pot d'échappement semblait pousser des cris perçants. Et je voulais, moi aussi, un engin puissant. Bonjour Israël Rosenfield. Bonjour Jean-Luc Giribonne. On vient d'entendre là le début, le tout début d'ailleurs du livre que vous faites paraître au Seuil, Jean-Luc Giribonne. En fait, on sent là tout l'amour d'Oliver Sacks pour les engins puissants, les motos. On le voit avec une très belle photo de lui d'ailleurs en couverture du livre. Et cette façon en fait de vivre intensément, tel qu'il l'a décrit d'ailleurs dans ce livre, de bout en bout, un trait de son caractère alors qu'il fait remonter à l'enfance. Moi, je trouve que vous avez raison de parler de la moto et de commencer par là parce que je trouve que ça donne, c'est la métaphore du livre. C'est un livre écrit au pas de charge de quelqu'un qui traverse la vie en moto. C'est un road movie, on pourrait dire. Il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, il parle très bien de la façon dont il traverse les États-Unis et le Canada, enfin, en moto, les gens qu'il rencontre. Bon, il rencontre des tas de gens très différents. Ça va des motards dans leur univers jusqu'aux plus grands scientifiques, etc. Et toute sa vie est un peu comme ça. Avec une chose, moi, qui me frappe et que j'admire beaucoup chez lui parce que ça paraît une qualité, banal, et c'est pas du tout banal quand on regarde autour de soi, c'est l'audace. Une audace extrême, extraordinaire. Vous citiez l'instituteur ou le professeur qui a dit ça. Oui, Sacks ira loin s'il cesse d'aller trop loin. Qui le fait prendre des risques fous et absurdes en moto, ou en Norvège, quand il est seul, il raconte ça dans Sur une jambe, quand il a cet accident assez terrible qui l'immobilise, dans la neige, dans les glaces, etc., tout seul, donc dans une situation extrêmement angoissante. Et aussi dans des situations professionnelles. Bon, moi, je me mettais à sa place et je me disais, mais moi, j'aurais jamais eu ce culot, je le dis très modestement. Par exemple, un exemple précis, c'est le premier livre qu'il écrit, il s'appelle Migraine, comme vous savez. Et en fait, il écrit ce livre alors qu'il travaille aux États-Unis. Dans un centre anti-migraineux, d'ailleurs. Il lui-même était migraineux. Et finalement, c'est très très mal pris par celui qui dirige le centre en question, qui lui-même est un spécialiste de migraines, mais qui a pas du tout la même conception que Sacks, parce que pour lui, les migraines, c'est essentiellement les céphalées, d'après ce que je comprends, il veut en s'en tenir là, etc. Mais oui, c'était le fameux Arnold Friedman, d'ailleurs. Et voilà. Mmh. Et il poursuit, et ça va lui coûter très cher professionnellement, finalement, il va perdre sa place, je crois. Complètement. Il perd sa place. Et pourtant, il poursuit là-dedans, il écrit son livre, il le publie, etc. Toute sa vie est un peu comme ça, voilà. Israël, cette audace. Exact, Israël Rosenfield. Alors, cette puissance, parce que c'est vrai que ce symbole de la moto, en même temps, on a le sentiment qu'il y avait deux Oliver Sacks, une double vie, mais qui se nourrissaient l'une l'autre, c'est-à-dire, d'ailleurs, Oliver le docteur, et puis celle de Wolf, parce qu'il s'appelait Oliver Wolf Sacks. Et il était connu pour être Wolf, son deuxième prénom, dans ce monde des motards. Bon, moi, je vois ça autrement. C'est-à-dire, la moto, pour moi, chez Oliver, c'est au fond un symbole de la liberté. Au fond, il faut savoir que Sacks était anglais et il est venu en Amérique pour se libérer de l'Angleterre, qui était pour lui, c'était étouffant. Il était écrasé là-bas. Et cette histoire de migraine, au fond, c'était l'histoire avec un médecin qui a volé son manuscrit, au fond. Oui, il a fait plagiat. Oui, exact. Il a publié des articles. Sacks ne savait pas qu'il était en train de faire ça. Donc, au fond, il ne voulait pas que Sacks édite son bouquin, parce qu'il a déjà volé quelques passages. Et c'est une histoire assez amusante, parce que quelqu'un a dit un jour à Sacks, comment ça se fait que tu cites les trucs déjà édités? Et au fond, il a dit, bon, je cite rien du tout. Et au fond, c'était parce que c'était volé. De toute façon, moi, j'allais dire que ma façon de voir Sacks, c'est un type très timide, pas du tout audace, et tous ces symboles avec la moto, ça vient du fait que l'Amérique est devenue la liberté pour lui. C'est-à-dire, c'était une façon de se libérer de l'Angleterre, de tout le côté. Parce que sa mère l'a écrasé, au fond, avec toute cette histoire d'homosexualité. Pas seulement ça. Moi, je crois qu'il ne faut pas exagérer ça. Moi, je crois qu'en général, l'Angleterre l'a écrasé. Oui, vous avez raison d'en parler, parce qu'il était issu d'une famille donc de médecins. Ses deux parents étaient médecins. Ses deux frères aînés étaient médecins. À un moment, il révèle son homosexualité à son père, qui en parle à sa mère. Et sa mère a une réaction terrible de rejet d'abord. Et puis bon, finalement, il gardera quand même des relations, des contacts avec elle, hein, jusqu'au bout. Et il part, il quitte cette Angleterre qui, comme vous dites, l'a écrasée. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre-là, ce dernier livre qui paraît là tout récemment au Seuil, En mouvement, on a l'impression que lui-même revient sur son enfance pour expliquer certains traits de son caractère. Par exemple, quand il parle du pensionnat dans lequel il était dans cette Angleterre, qui est une Angleterre qui ne laisse pas beaucoup de liberté, en tout cas en matière de mœurs, lui-même a subi, on le sent, un pensionnat un peu difficile. Et il raconte qu'un jour, il écoutait donc une émission de radio aux États-Unis, hein, plus tard, et il entend un homme qui a été évacué pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui est né en 33. Il a connu cette Seconde Guerre mondiale. Il a été lui-même un enfant un peu, évacué des villes qui étaient bombardées. Et donc cet homme qu'il écoute à la radio des années plus tard parle de son problème avec les trois A. Le A de attachement, le A de appartenance et le A de assurance. Et Sachs écrit dans ce livre-là, le dernier, je pense qu'il en va de même en ce qui me concerne. C'est-à-dire, moi je crois que le problème, bon, comme je disais, pour moi, Sachs c'était quelqu'un qui était timide. D'un certain côté, je peux dire, le côté timide, c'était aussi une façade, dans le sens que il jouait comme s'il était beaucoup plus timide qu'il était actuellement, parce qu'il savait que moi je suis Oliver Sacks, mais il n'était pas Oliver Sacks toute sa vie. C'était, il y a un moment, il est devenu la superstar en Amérique, mais au début, je crois pas qu'il était comme ça. Et d'ailleurs, il y avait des manuscrits de lui qui étaient rejetés, c'était pas accepté par les maisons d'édition et tout. Mais oui, c'est son quatrième livre qui devient un succès, mais pas avant, je crois. Hein. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a pris sa femme pour un chapeau qui l'a lancé, au fond. Mais moi, je crois que quand même, il a gardé ce côté timide et il a gardé un côté anglais. Parce qu'on a fait les discours ensemble, lui et moi, où on a partagé la scène. Et il avait toujours ce côté anglais où il parlait comme si, c'est-à-dire, il bégayait, comme les Anglais font. Au fond, il bégayait pas quand on parlait en tête à tête. Mais c'est une façon d'avoir un côté timide. Et moi, je crois qu'il faut voir la moto dans ce sens-là. Pour moi, c'est le contraire d'audace. Il est, dans un sens, vous avez raison, il est audace. Mais audace sous la couverture de timidité. Oui, c'est ça. Il était peu sûr de lui, hein, Jean-Luc Giribaud. Non, je ne veux pas engager une polémique sur l'absurde, mais l'un n'exclut pas l'autre. Hein, je veux dire au contraire. On parle de l'audace et timide. En fait, c'est quelqu'un... Moi, j'ai ressenti cette timidité. Donc vous avez parfaitement raison de la justifier. Une timidité très profonde, quelqu'un qui a du mal à dresser ce qu'il est aux autres, enfin au monde extérieur, etc. C'est bien rendu par Robin Williams, le joue très très bien dans le film L'Éveil, ça. D'ailleurs, lui-même, Sachs me l'a dit, tout le monde le dit, mais Sachs lui-même le disait. Il m'a dit qu'il avait l'impression de se voir lui-même quand il a vu Robin Williams dans le film. En même temps, c'est quelqu'un qui sait, et c'est ça qui me paraît... au fond, formidable quoi dans cette vie, c'est quelqu'un qui s'est transformé un peu à l'image de ce qu'il dira après de ses patients, un mal-être en positivité. Voilà. Alors vous avez tout à fait raison de souligner que l'Amérique est pour lui une sorte d'espace de liberté, enfin comme pour beaucoup d'ailleurs, un espace de liberté extraordinaire qui lui permet d'aller au-delà de soi. Oui, même d'aller très loin dans fondamentalement, par rapport il s'est inventé quelque chose. Il s'est inventé. Autrement dit, le départ de cette ville, on parle très bien, c'est qu'il se sent à la fois, par exemple, scientifique et littéraire. Il souffre à Oxford de la division entre les deux, etc. Il est attiré des deux côtés. Il passe son temps à ne pas savoir finalement quoi choisir. Et au fond, il va finir par arriver à trouver une sorte de genre littéraire, je dirais, hein, voilà, quasiment qu'il crée, même si. Je pense un peu au cas raconté par Freud, mais c'est pas tout à fait ça. Où il va pouvoir finalement exprimer la totalité de ce qu'il est. Et ça, pour moi, c'est une très belle réussite. Qui impliquait un risque. C'est pour ça que je parle d'audace. Un vrai risque intellectuel, alors, professionnel, etc. Avant d'aller plus loin sur justement sa personnalité et ce qu'on lui doit, je vous propose de le découvrir à nouveau dans un autre passage du livre qui va nous le révéler un peu côté homme des Lumières. Nous autres, médecins résidents de l'UCLA, nous réunissions chaque semaine dans un journal club où nous parcourions les derniers articles traitant de neurologie avant d'en discuter ensemble. De temps à autre, me semble-t-il, il m'arrivait d'agacer les membres de ce groupe en leur disant que nous devrions aussi débattre des écrits de nos prédécesseurs du 19e siècle. pour tenter de relier leurs observations et réflexions à ce que nous voyons chez nos propres patients. Critiquant mon archaïsme, les autres considéraient que, vu le peu de temps dont nous disposions, nous avions bien mieux à faire que de réfléchir à des questions si obsolètes. Et la plupart des articles spécialisés que nous lisions reflétaient implicitement ce point de vue, en ne faisant presque jamais allusion à ce qui remontait à plus de 5 ans. Comme si la neurologie n'avait pas d'histoire. Alors, la neurologie n'avait pas d'histoire. C'est ce que vous avez ressenti, Israël Rosenfield. C'est-à-dire, je disais, il a ce côté homme des Lumières, parce que on le sent pétri d'une culture. Il dévore tout depuis l'adolescence. Enfin, et puis étudiant, les œuvres de Darwin. Enfin, il s'enrichit, il se nourrit des prédécesseurs de ce siècle-là des Lumières et jusqu'à son époque. Mais en même temps, il est dans un monde où on fait abstraction de tout ça. Mais lui a besoin de ça, et c'est peut-être sa force qui va faire que il va révolutionner son secteur de recherche. Bon, vous me dites, hein, si vous n'êtes pas d'accord. D'abord, moi, je crois qu'il faut dire que le modèle pour Sachs dans ses écrits, au fond, c'est les cas cliniques du 19e siècle. Et il faut dire que les gens qui l'ont fait ça mieux que n'importe qui, c'était des Français. Si on regarde les cas, et d'ailleurs, moi je sais parce que justement, moi j'avais traduit certains cas, par exemple le cas de Dejerine, et Sachs a repris mes traductions, il a souvent cité ces trucs-là, parce qu'il était fasciné par la façon dont Dejerine, ou plus tard Capgras, par exemple ici, ont raconté leurs histoires. Et c'était pas scientifique, entre guillemets. C'était vraiment romanesque. Oui. Et je crois que c'est ça qui l'a fasciné. Et la chose curieuse avec Sachs, c'était, il me disait souvent, mon problème, c'est, moi, je suis pas un penseur. Et moi, je connaissais bien plutôt parce que, moi, j'ai travaillé avec Edelman, qui était ce prix Nobel qui, Sachs a. Moi, j'avais fait un article dans le New York Review autour d'Edelman, et après, j'avais fait d'autres trucs autour d'Edelman. Et Sachs a tombé amoureux, dans un sens, entre guillemets, de tous les travaux d'Edelman. Et c'était plutôt grâce à moi qu'il est devenu tellement épris par tout ça. Et moi, je disais, et d'ailleurs, on a parlé de ça récemment, parce que je parlais avec son collaboratrice, qui a fait, au fond, les bouquins avec lui, Kate Edgar. Oui. Et je disais, au fond, le problème, c'était, moi, je trouve maintenant, Edelman s'est dépassé. Mais Sachs a toujours parlé jusqu'à la fin de sa vie d'Edelman comme si c'était un pionnier et très important, et ça va rester comme ça, comme Darwin. Et oui, au fond, c'était le prix Nobel. Il avait écrit Neural Darwinism, oui, c'est ça, en 1987. Et Crick a fait une satire de ça en disant Neural Edelmanism. Et donc, il y a... Donc, d'un côté, c'était les prix Nobel qui a attiré Oliver Sacks. Et je crois que, donc, dans un sens, il y a un côté, il y a un côté littéraire où il a attiré par le 19e siècle. Et il a refait ça dans ses cas. L'homme qui a pris sa femme pour un chapeau et tous ses bouquins, quand ce sont des bons bouquins, moi je crois que ce sont des histoires qu'on raconte d'une façon qui est romanesque, si on veut. Et en même temps, révélateur. Et c'est ça qui est bien chez Sachs, c'est-à-dire qu'on comprend mieux le problème neurologique à la fin. Mais ce n'était pas des œuvres scientifiques en soi, je ne dirais pas ça, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire en neurologie? On ne peut pas guérir les maladies neurologiques, ce n'est pas ça, c'était vraiment décrire des choses, et ça il fait vraiment bien. Alors, mais lui il était toujours mal à l'aise avec ça, parce qu'il voulait être un Edelman ou un Crick, parce qu'il voulait avoir un prix Nobel. Et moi, je crois qu'il était dupé par le prix Nobel plutôt que par le côté intellectuel. Juste avant d'aller plus loin, parce qu'on parle de Gerald Edelman, justement, écoutons Oliver Sacks dire ce qu'il en pense dans ce nouvel extrait, lu par Jean-Christophe Lubert. Dès le début de sa carrière, ou presque, Gary pressentit que des processus analogues à la sélection naturelle peuvent considérablement influer sur les organismes individuels, surtout sur les animaux supérieurs, au cours même de leur existence, du seul fait que les expériences de la vie permettent de renforcer certaines connexions ou constellations neuronales dans le système nerveux et d'en affaiblir ou effacer d'autres. Pour Edelman, l'unité de base de la sélection et du changement n'est pas le neurone isolé, mais des groupes d'une cinquantaine à un millier de neurones interconnectés. C'est cette hypothèse qu'il qualifie de théorie de la sélection des groupes neuronaux. Alors dites-nous juste, précision Israël Rosenfield, pour bien comprendre, parce que vous nous dites combien la découverte et puis la rencontre avec Edelman a été importante pour Oliver Sacks, en quoi finalement cette théorie d'Edelman va éclairer la pratique de Sacks ? Éclairer la pratique de Sacks, pas du tout. C'est-à-dire, c'est ça que je suis en train de dire dans un sens. D'abord, je crois qu'il faut dire que la chose que vous êtes en train de citer, c'est Edelman, ça remonte aux années 70. Au fond, Edelman est en train de parler d'une théorie de sélection où le système neuronal s'est donné. Et il n'y a pas de changement. Depuis, on a découvert, il y a neurogénèse. Et ça, c'est pas dans l'intérêt d'Edelman. Moi, j'ai travaillé aussi avec Edelman. Je connaissais bien Edelman. Il a toujours nié le fait que c'était possible d'avoir une neurogénèse. Donc, ça change tout dès qu'on met ça dedans. Et donc, il faut reviser. C'est-à-dire, ce que Sacks est en train de dire, c'est une théorie de sélection, mais sélection sans neurogénèse. Oui, d'accord. Parce que dans le livre, ce dernier livre qui paraît, dans le dernier chapitre, il en parle et il en parle de cette façon-là. Je peux vous dire que ça vient des essais de moi parce qu'il a repris et on a parlé de ça souvent nous deux. Oui. Mais et lui, il était obsédé, je crois, par ça. Mais c'était pas obsédé dans le sens intellectuel. C'est ça que je veux dire. Au fond, moi, je crois qu'il était et justement, moi, je parlais avec Kate Edgar, ce qui a collaboré avec lui il y a une semaine. Je disais, au fond, il a tombé amoureux, entre guillemets, de toutes ces théories parce qu'il y avait le prix Nobel derrière. Et il a même confondu, parce qu'il est devenu très ami avec Edelman grâce à moi. Mais après, il a fait la cour de Crick. Et Edelman et Crick s'est détesté. Et lui, il faisait Edelman un jour, Crick l'autre jour. Au fond, intellectuellement, c'était très différent. Mais c'était des prix Nobel qui les unifiaient dans sa tête. Et moi, je crois qu'il faut voir ça. Parce que c'est une espèce de pouvoir qui est très dangereux, cette histoire des prix Nobel. Parce que ça donnait quand même des... Parce qu'on pense que quelqu'un comme Monish a eu un prix Nobel pour la lobotomie en 1949. Il faut faire très attention avec le prestige que ça donne et les conséquences de tout ça. C'est un vrai sujet d'émission. Sacks avait cette obsession avec ça parce que lui-même ne se sentait pas vraiment scientifique. Il voulait avoir un truc officiel. Il n'était pas dans un labo. Et la seule façon d'être dans... scientifique, c'était d'être associé avec les prix Nobel. Ah oui, d'ailleurs, vous dites qu'il n'était pas dans un labo. Il avait fait cette expérience d'essayer de devenir un chercheur sur la paillasse. Alors, il faut dire qu'à l'origine, d'ailleurs, il se voyait bien jeune biologiste marin. C'était un univers qu'il aimait. Oui. Et puis finalement, il est parti sur un autre terrain et pour lequel il s'est vraiment révélé. Il nous a révélé bien des choses, mais il a eu un poste d'attaché de recherche en neurochimie et neuropathologie à l'Albert Einstein College of Medicine à New York en septembre 1965. Et là, on lui a dit, tu es une menace pour le laboratoire, tu ferais mieux t'occuper des patients, ce qu'il va faire. Jean-Luc Giribonne, qu'est-ce que vous vouliez dire justement sur... Non, je voulais dire, c'est-à-dire qu'effectivement, on sent bien que c'est une vie qui a eu affaire, comme d'autres, je pense à Grégory Bateson d'une autre façon, à la question de la légitimité que donne effectivement l'appartenance à une structure, etc. Et que donne aussi une ligne de pensée claire, nette, qui s'inscrit dans la recherche, etc. Mais en même temps, ce qui me frappe, c'est quand même l'honnêteté qu'il a de le reconnaître. Il cite dans sa biographie cette phrase de Crick qui va dans votre sens, qui lui dit effectivement, au fond, tu n'es pas un inventeur, je crois, ou tu n'es pas un créateur, je ne sais plus la phrase, enfin, ça veut dire ça. Et donc il le cite complètement. Et je crois que, oui, c'est une douleur, c'est une des douleurs de sa vie, mais je reviens encore à ça. Cette douleur, ça va lui ouvrir quelque chose qui est effectivement autre et qui est très différent, qui est au fond de considérer quasiment comme des aventures le rapport avec les patients, de décrire ses aventures, de décrire le monde des patients, et finalement de décrire le patient. Et moi, c'est ça qui m'a le plus touché chez lui, décrire le patient comme l'explorateur, ça revient très souvent, ça, l'explorateur de monde. L'amoureux de l'ex-patient. Voilà, c'est ça. Je crois que vous avez raison. Voilà, d'un monde qui est à lui. Voilà. C'est-à-dire, et moi je crois que c'est, au fond, vous avez tout à fait raison, dans le sens que c'est la tension chez lui, cette tension entre le fait que je ne suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique, mais je suis quand même fasciné par ce genre de pensée, mais je suis quand même un écrivain. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui sait raconter des histoires, je fais ça vraiment bien, je suis un très bon écrivain. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'a jamais eu de prix pour ça. Mais en tout cas, donc, cette tension entre le fait que j'aimerais bien être chercheur, scientifique, une espèce de Einstein, je ne sais pas quoi, et je sais très bien que je ne suis pas. Il me disait ça souvent. Mais je pense qu'un type comme Edelman ou Crick, parce qu'ils ont des prix Nobel, ils sont comme ça. Et là, il s'est trompé. Ils n'étaient pas mieux. Moi, je disais ça souvent à lui. Ils ne sont pas mieux que toi, mon gars. Mais il avait pas cette... Oui et non. Non. Il était dans un entre-deux. Il a accepté le fait. Mais je crois que c'est cette tension entre l'idée que... Bon, moi, je ne suis pas vraiment chercheur, mais je sais très bien raconter des histoires. Et mes modèles, comme je disais, c'est le 19e siècle français, plutôt. Qui donne quand même un résultat assez spectaculaire. Alors, écoutons Oliver Sacks, justement, nous raconter cette entrée dans la médecine. Même si l'étudiant en médecine, puis le médecin résident que j'avais été, n'avait été incité ni par ses maîtres, ni par la littérature médicale moderne à prêter attention à la dynamique de la maladie et de la vie, en tenant compte du combat farouche que doit livrer tout organisme ou sujet qui s'efforce de survivre dans des circonstances parfois particulièrement sombres et insolites, ce point de vue m'a paru clairement et indéniablement véridique aussitôt que mon regard se posa sur ces patients post-encéphalitiques. Ce que la plupart de mes collègues avaient rejeté avec mépris, les hôpitaux pour malades chroniques, vous ne verrez jamais rien d'intéressant dans les lieux de cette espèce, m'avait-on dit. Revêtis du même coup, une toute autre signification à mes yeux. Je compris que j'étais placé, au contraire, dans une situation idéale pour reconstituer le déroulement de vies entières. Alors, il va se retrouver au contact de ces malades. Est-ce que lui parlait d'ailleurs d'eux comme des malades ? C'est vrai qu'on le sent tellement... je ne sais pas si on peut parler d'empathie, d'ailleurs. De l'empathie par rapport à ces personnes. Il rentre dans leur vie. Il faut préciser qu'il va donc travailler dans au Beth Abraham, un hôpital rattaché donc au collège d'Albert Einstein. 500 pensionnaires, les maladies chroniques, dont environ 80 avaient été atteints de la fameuse maladie du sommeil, c'est ça, Israel Rosenfield, l'encéphalite léthargique. Et puis, il travaille aussi en parallèle avec les petites sœurs des pauvres. Je crois qu'il faut voir. Je suis en train de vous couper. Non, les histoires pas du tout. Moi, j'allais dire que. Moi, je trouve ces histoires avec les malades. Au fond, les malades, c'est lui. C'est-à-dire, ils sont tous rejetés par la société. Moi, je suis, sourde, sourd-muet, donc j'ai la langue de signes. Ça, c'est la fascinée. Moi, je suis Tourette. Je suis toujours en train de faire des trucs bizarres en public. Moi, je suis la personne qui a eu cet accident avec ma jambe. Et la jambe, elle est aliénée. C'est ma jambe et pas ma jambe. Et je crois que c'est Sacks. C'est-à-dire, la société ne m'a pas accepté. Ma mère m'a mis à la porte. Pas à la porte, mais en tout cas. Oui, mais à un moment, elle l'a rejeté. Et c'est pas seulement pour des raisons de sexualité, c'est beaucoup plus que ça, parce que l'Angleterre était étouffante. Mais quand même, ça faisait partie de l'histoire, donc j'étais obligé d'aller en Amérique. Et en Amérique, c'était la moto, l'ouverture et tout. On pouvait faire tout, y compris les drogues et tout. Mais quand même, je suis pas tout à fait à l'aise avec moi-même. Je suis en Amérique, pourquoi ? Parce que je suis rejeté par l'Angleterre. Comme tous les patients d'Oliver Sacks. C'est-à-dire, toutes ces maladies neurologiques, c'est ça. Et alors du coup, comment vous analysez, Israël Rosenfield, le fait qu'il se jette aussi à corps perdu dans ce sport, dans la construction physique de son corps, en faisant de l'haltérophilie, il devient, même on peut dire, un champion, hein, non ? C'est-à-dire, moi, il est venu à Paris, il nous a visité à Paris, il était allé tout le temps dans les piscines de Paris, il faisait froid, je ne sais pas comment il nageait, le fait, il nageait comme ça. Temps, ouais. Ça, je peux pas vous dire. Il était très physique, ça, y a pas de doute. Et d'ailleurs, moi, j'étais justement un peu étonné en lisant l'autobiographie qu'il venait d'éditer, parce qu'il disait depuis 30 ans, il n'a pas eu de vie sexuelle. Ou 40 ans, quelque chose comme ça. Ça m'a vraiment étonné parce que quand il est venu à Paris, il voulait toujours aller à la piscine. Et je crois que c'était pour draguer les petits gars. Mais et non, fond, et finalement, il a eu une vie sexuelle plutôt sobre. Il a eu quelques aventures. Oui. Mais jusqu'à la fin, tout en retenu finalement. Nouvelle, et à la fin. Un nouveau amour, là. Exactement. À la fin de sa vie, mais c'est tout. Oui. Et c'est vrai que je n'ai jamais connu bien les quelques amants qu'il a eu, mais je crois pas que c'était ça qui était. Il était pas physique dans ce sens-là. Il était physique dans le sens que c'était nager et tout. Oui, ça c'est vrai. Et lui était fort. Jean-Luc Giribonne, physiquement. Je voulais dire par rapport à ce que vous avez dit, par exemple, ce qui va dans ce sens-là, c'est la rencontre avec Temple Garden, par exemple. Voilà. Ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, c'est une autiste. Elle est plus connue aux États-Unis qu'en France, mais elle est assez connue. Odile Jacob a traduit ses livres, je crois. Et donc, elle a c'est une autiste qui finalement, qui dit deux choses très fortes, quoi. Qui dit, d'abord, je suis mal à l'aise dans le monde humain, parce qu'il y a toujours des sous-entendus, il y a toujours des trucs qui passent sous la table, il y a toujours, et je comprends pas pourquoi ils sont pas dits. Enfin, voilà. C'est ça qui la gêne. Et donc, du coup, elle va trouver une possibilité à la fois d'expression et de compréhension dans le monde animal. Et ça va devenir un spécialiste du monde animal. Bon. Et Sax lui dit, donc ça c'est une très belle réussite, évidemment, hein, pour cette femme. Et Sax lui dit, mais quand même, même dans cette discipline-là, il y a des colloques, il y a des colloques scientifiques où vous rencontrez d'autres personnes, donc vous avez affaire à la complication, à la perversité de la communication humaine, etc. Comment vous faites? Et là, cette phrase extraordinaire, eh bien, je me sens comme un anthropologue sur Mars. Voilà, qui donne son titre au livre. Et je crois que c'est lui. Hein. Il est un anthropologue sur Mars. C'est-à-dire là, vous êtes en train de décrire ça. C'est exactement ce que je voulais dire, même avec sa jambe et tout ça. Ouais. C'est-à-dire, cette femme-là l'a fasciné parce que c'est lui. C'est ça, tout à fait. Il n'est pas accepté par la race humaine, disons, mais il est quand même, il fait un peu partie, il est à l'extérieur. C'est ça. Et il se sent un peu mal à l'aise, mais il se sent fasciné, il est fasciné par d'autres gens comme lui. Ouais, c'est ça, et ça, c'est ses passions. Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est pour des ça cas que... neurologiques. Et oui. Moi, je suis fasciné par ça parce que vous êtes un peu à l'extérieur, comme moi. Et du coup, c'est ce qui lui permet de sentir au plus près, justement, toutes ces subtilités dans sa profession. Il révolutionne la neurologie. On dirait en anglais care of, et de se soucier de ses patients. C'est-à-dire, c'est une dimension formidable chez lui que j'aime beaucoup, qui est très émouvante. Vous vous souvenez le personnage extraordinaire de Tourettien, qui par ailleurs est chirurgien? Chirurgien, voilà. Et donc, il a toujours ses syndromes, c'est-à-dire ses symptômes extraordinaires, sauf quand il opère. Ah oui, quand il opère, le chirurgien. Ah oui. On marque que c'est plus rassurant pour ceux qui sont opérés. Oui, mais alors attendez, ça va plus loin que ça. Mais par ailleurs, il fait de la petite aviation. Et Sax raconte qu'il prend l'avion avec lui, il raconte avec beaucoup d'humour le trajet en avion. Vous avez raison, mais l'autre chose qu'il faut dire, c'est les gens, il y avait une société de les gens de Tourette. Et finalement, ils ont dit à Sax, on pense que vous êtes en train de nous utiliser, c'est-à-dire... Ah oui, ça je sais. Et Sax a répété ça. Ah oui, ça je sais. Donc il s'est rendu compte que... Parce que les gens l'ont accusé. Il le dit à un moment quelconque avec cette histoire des jambes. Je suis dans un lit, je suis en train d'écrire mon livre. Et le type à côté qui disait, ah, vous faites les bouquins quand vous êtes malade. Moi, je suis malade. Et Sax était très mal à l'aise avec l'idée, oui, les gens... gens se disent, moi j'avais quand même les best-sellers et vous êtes seulement un malade. Alors on va retrouver Oliver Sacks, allez, on va entendre sa voix cette fois-ci, retrouvée dans les archives sonores de l'INA, et il nous parle de sa relation en tout cas à la musique, la neurologie et la musique. C'était dans l'émission Opus, diffusée sur France Culture le 23 janvier 1988. Patients, I think I described patients whose J'ai décrit le cas des patients dont l'activité électrique du cerveau était anormale. Et tout d'un coup, ça devenait normal quand on leur jouait de la musique. Il y avait une patiente qui était très musicienne. Elle connaissait tout Chopin, tout Schumann par cœur. Et tout ce qu'on avait à dire, c'était Opus 49 et la fantaisie en fa mineur de Chopin se jouait dans sa tête. Et tout d'un coup, les signaux électriques de son cerveau devenaient normaux. J'ai décrit le cas d'un patient où c'était trop lent d'un côté et trop rapide de l'autre. Et avec de la musique, tout devenait normal. Je pense que le pouvoir de la musique est très important. De patience, comme l'eau coule et se faufile, toutes les absences, un jour ou l'autre, se défilent. Un peu de courage, quand les gens meurent ou se détournent, toutes les pages, un jour ou l'autre, se tournent. J'irai marcher au milieu des bois, lui raconter un peu de toi. J'irai marcher, parler tout bas, et puis crier une dernière fois, un jour ou l'autre. Un peu de courage quand les gens meurent. Se détourne à toutes les pages, un jour ou l'autre se tourne. J'irai marcher au milieu des bois, lui raconter un peu de toi. J'irai marcher, parler tout bas, et puis crier une dernière fois, un jour ou l'autre. J'irai marcher au milieu des bois, lui raconter un peu de toi. J'irai marcher, parler tout bas, et puis crier une dernière fois, un jour ou l'autre. Il est 16h37 et donc c'était Louise Attaque aujourd'hui en concert, sachez-le, à Radio France, ce soir au studio 105. Le titre de la chanson, Un peu de patience. Et nous poursuivons la marche des sciences sur France Culture en direct et en compagnie d'Israël Rosenfield, professeur, philosophe, spécialiste de l'histoire des idées et auteur notamment de L'invention de la mémoire, un livre paru chez Champ Flammarion, et Jean-Luc Giribonne, éditeur et ami d'Oliver Sacks, également écrivain, et donc Oliver Sacks, neurologue de génie, auteur à succès, est décédé le 30 août 2015, et c'est à l'occasion de la sortie de son dernier livre intitulé En mouvement, une vie, paru au Seuil, que nous avons choisi de programmer cette émission. Et d'ailleurs, on va tout de suite retrouver Oliver Sacks dans le texte. Après que la neurologie et la psychiatrie m'eurent été présentées à l'UCLA comme des disciplines presque indépendantes, lorsque j'y exerçais la fonction de médecin résident, il m'a paru à l'inverse, quand je découvris la réalité globale de mes patients à l'issue de ce résidanat, que je devais être autant psychiatre que neurologue. Si les migraineux que j'avais reçus me l'avaient déjà fait comprendre, les post-encéphalitiques de Beth Abraham m'ancrèrent d'autant plus dans cette conviction que tous souffraient d'une myriade de troubles tant neurologiques que psychiatriques. De parkinsonisme, de myoclonie, de chorée, de tics, de compulsions bizarres, d'impulsions incontrôlables, d'obsessions, de crises soudaines, et d'élans de passion irrépressible. parce qu'une approche purement neurologique ou psychiatrique de ces sujets n'aurait pu mener nulle part, le neurologique et le psychique devaient se conjuguer. Israël Rosenfield, sur ce terrain-là, justement, qu'est-ce qu'on lui doit à Oliver Sacks en matière de neurologie, de psychiatrie, il était tellement atypique, mais aujourd'hui, on peut dire quand même qu'il a ouvert peut-être les consciences, interpellées autour de lui. Moi, je suis pas certain comment répondre à cette question, mais au fond, moi, je crois que ce qui est intéressant, j'ai remarqué justement en relisant ce livre. Il y a une espèce de lieu commun en science qu'on dit qu'on doit, si c'est vraiment une découverte importante, on doit être capable de répéter ça, refaire l'expérience 10 000 fois. Si on peut pas refaire ça 10 000 fois, c'est pas la vérité. Et Sacks a fait exactement le contraire, et je crois qu'il avait raison. C'est-à-dire, il a décrit les cas cliniques uniques. On peut jamais refaire ces cas cliniques. Chaque cas, c'est différent. Et ce qui est intéressant avec ces cas cliniques qui sont uniques, c'est quand même révélateur dans un certain sens de point de vue psychologique et même de point de vue fonctionnement de cerveau. Et je crois que dans le bouquin, Sacks disait à un moment quelconque, au fond, je suis en train de comprendre mieux le fonctionnement de cerveau à travers mes malades qu'avec un cerveau normal, si on veut. Et je crois que c'est ça. Je ne sais pas si c'est dans la culture générale. Les gens ont compris que c'est la science anti-science, dans un sens. Moi, j'aime pas dire ça parce que je veux pas dire un truc anti-science, surtout pas dans nos jours. Mais seulement qu'il y a une approche là qui est contre, dans un sens, à rebours, c'est contre les idées reçues. Et l'idée, c'est on peut pas répéter tout le temps la même chose. C'est-à-dire, si on peut pas répéter tout le temps la même chose, c'est pas une vérité. Et justement, moi, je crois que Sacks est en train de nous montrer les choses uniques sont vraiment très intéressantes et très révélateurs sur la psychologie, c'est ça. Et c'est pour ça que, comme il est allé, comme vous dites, contre, en tout cas, le courant, il n'a pas forcément été bien reçu. Ses livres n'ont pas forcément été bien reçus dans la communauté des médecins. Jean-Luc Giribonne. Pour moi, quand je prends du recul, je me dis qu'est-ce qui me reste de lui. Je parle pas de l'homme, hein, parce que j'ai des tas de souvenirs. Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais il me reste cette idée d'une exploration de potentialité humaine que je ne connaissais pas. C'est-à-dire des choses vues jusque-là ou perçues ou appréhendées comme des maladies. Par exemple, en effet, le syndrome de Gilles de la Tourette, quelque chose de tout à fait extraordinaire, etc. Bon, brusquement, apparaissent comme d'autres façons d'être homme. Un autre rapport au langage. Le peintre qui ne voit plus les couleurs, brusquement, il voit tout en noir et blanc. Qu'est-ce que les couleurs? Qu'est-ce que les noirs et blancs? Comment peut-on peindre encore quand on est privé des couleurs? Ben, il peint en noir et blanc, etc., etc. Et tous ces cas, on parlait de Temple Garden tout à l'heure, tous ces cas, on s'aperçoit qu'effectivement, le gros problème de la neurologie, de la psychiatrie, c'est que, qu'elle le veuille ou pas, elle le veut pas, souvent d'ailleurs pas, elle a pour conséquence d'isoler le monde dit pathologique de nous. Qu'on voit comme effectivement des gens un peu bizarres, les malheureux, on espère les guérir, on n'y arrive pas, et c'est dommage. Lui, il les voit tout à fait autrement. Il les voit comme des gens qui fonctionnent de façon humaine, mais d'une autre façon à cause de leurs déficits. Et cette autre façon ouvre brusquement des horizons, en effet, comme vous disiez, sur qu'est-ce que le cerveau, qu'est-ce que la couleur, qu'est-ce que, etc. Et ça, pour moi, ça a été c'était tout à fait en dehors de ma culture. Et ça m'a beaucoup, ça m'a vraiment ouvert de nouveaux horizons. Est-ce qu'on peut dire qu'il a redonné sa dignité aux patients et que, d'un autre côté, il nous a aussi forcés à regarder les autres autrement? Oui, je crois que c'est ça. Mais je crois que vous êtes en train, on est peut-être tous les deux en train de dire quelque chose qui va plus loin que ça, au-delà de ça. Oui. Mais au fond, c'est ça. Moi, je crois que c'est ça qui est intéressant. Justement, il est en train de montrer à quel point certaines choses, des cas uniques, sont quand même très intéressants pour tout le monde. Plutôt que d'aller chercher de multiples cas et d'en tirer une conclusion générale. Et justement, il est mal à l'aise avec ça, comme je disais, parce qu'il voulait être quand même le scientifique qui a donné un truc général. Il n'a pas fait ça. Mais justement, c'est plus général que ça, dans un sens. Allez, on va l'écouter pour cette fin de la première partie de La Marche des Sciences. Oliver Sacks, au micro de Laura Adler dans l'émission Hors Champ, c'était le 9 mars 2015. Docteur Oliver Sacks, croyez-vous en la bonté de l'homme? Sometimes Je suis souvent entouré d'étudiants, de jeunes gens, et parfois, je me dis, ce sont de bons jeunes gens et la planète est dans de bonnes mains. Mais dans d'autres occasions, je me dis qu'ils sont des individus terribles, Dieu nous garde. Je crois que chacun d'entre nous a une part de bon, une part de mauvais. Et j'espère que la part du bon l'emportera et que notre espèce survivra, tout comme la planète. Mais je n'en suis pas totalement persuadé. Et je pense que nous sommes à l'heure actuelle en des temps compliqués et risqués. Allez, qui veut réagir? Le mot de la fin de cette première partie? Israël Rosenfield. Moi, je trouve que c'est amusant de l'écouter parce qu'au fond, c'est tous au deuxième degré. Tongue in cheek, comme on dit en anglais. Et au fond, je crois qu'il se moque de l'idée de la bonté. Et ça, c'est dans un sens typiquement à l'Abbé Sachs, je crois. Il se moque des idées reçues qui sont figées. Il est en train de dire, non, je crois pas qu'on... Mais toujours avec un sens d'humour. Et c'est ça qui sort dans cette façon de dire ça. C'est-à-dire, si on écoute que les mots, on n'entend pas le sens d'humour derrière. Moi, je suis complètement d'accord. Je me permets d'ajouter une petite chose. Et pourtant, il y a un choix du positif, quoi, finalement, chez lui. Il y a un choix du positif sur le négatif. C'est-à-dire, faisons quelque chose. Ne les laissons pas seuls, les malades. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Essayons de continuer, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me touche. Il y a quand même un côté deuxième degré dans sa façon de parler qui est invraisemblable. Allez, le deuxième degré, c'est ce qu'on retiendra. Et derrière la vitre, justement, Catherine Donnet acquiesce. Elle a l'air de dire oui, le deuxième degré d'Oliver Sacks. On finira sur cette dernière note. En tout cas, merci à tous les deux, Jean-Luc Giribonne. Donc, le livre d'Oliver Sacks sort où? Il est sorti, là. Hein, il y a quoi? Il y a quelques jours seulement. En mouvement, une vie. Et c'est aux éditions du Seuil. Et Israël Rosenfield. Je mentionne juste l'invention de la mémoire parce qu'on y retrouve aussi la préface d'Oliver Sacks. Donc, un livre paru chez Champ Flammarion. Et en même temps, tous vos autres livres seront à retrouver sur le site de la Marche des Sciences. Mais, et puis merci Jean-Christophe Lebert de nous avoir fait vivre de cette façon-là ces morceaux, ces extraits du livre. Et vous restez avec nous, c'est la suite de la Marche des Sciences. France Culture, la Marche des Sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, en partenariat avec le magazine Pour la Science. Et le numéro 2 février porte sur l'astronomie des neutrinos. Et nous sommes ravis d'accueillir toujours en direct Marco Zito. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien à l'IRFU, l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers, au centre du CEA à Saclay, et membre de la collaboration T2. Et vous êtes auteur du livre « Dans le tourbillon des particules », un livre paru chez Belin l'an dernier, en 2015. T2K, dites-nous rapidement, c'est quoi ? C'est une expérience des neutrinos au Japon. Donc, on produit un faisceau de neutrinos sur la côte ouest du Japon. Et donc, ces neutrinos se propagent pendant 300 km dans la croûte terrestre et ressortent de l'autre côté du Japon, donc, où ils sont détectés par un grand détecteur souterrain qui s'appelle Super Kamiokande. Voilà. Alors, on a dit au début de l'émission que, là, on va parler bien sûr de l'article et du magazine dans lequel on vous retrouve. Mais alors, il y a eu donc cette annonce officielle de la découverte des ondes gravitationnelles. Enfin, normalement, il y a quoi, peut-être un quart d'heure. C'est vrai qu'on n'est pas forcément branché aussi en même temps sur les autres antennes. Marco Zito, une annonce officielle de la découverte d'ondes gravitationnelles, une révolution dans le monde de la physique. Alors, dites-nous, c'est quoi et qui annonce ça précisément? Les Américains, je crois. Alors, donc, une révolution au sens, la révolution, elle a eu lieu il y a 100 ans exactement, quand Einstein a élaboré la théorie qui prend les noms de relativité générale, et donc qui est une théorie qui explique comme la gravitation et la géométrie sont intimement liées, donc un corps qui a une masse modifie l'espace-temps, donc la géométrie autour de lui. Et voilà, donc si et donc en 1916, il a tiré de sa propre théorie la conséquence qu'il y aurait des ondes gravitationnelles, donc des vibrations de cette géométrie qui se propage dans le temps. Et donc pour comprendre de quoi il s'agit, on peut prendre l'exemple d'une charge électrique, donc qui donc crée donc des forces autour d'elle, mais quand on accélère cette force, et ben elle crée des champs qui se propagent, donc c'est des ondes, comme les ondes qui portent notre voix actuellement à tous les, oui. les auditeurs voilà, de cette émission. Voilà, et donc de la même façon, donc, des masses donc, accélérées peuvent provoquer des ondes gravitationnelles donc, qui se propagent dans l'univers. Et c'est donc une expérience aux États-Unis qui s'appelle LIGO, qui aurait détecté une onde gravitationnelle donc émise dans des événements dans un événement des tailles colossales donc probablement des trous noirs, donc à rotation. Là, ça peut être la fusion de trous noirs, l'explosion d'étoiles massives, en tout cas des chocs violents qui provoquent ces ondes-là. Absolument. Et jusque-là, on ne les avait jamais détectés depuis l'intuition, en tout cas, d'Einstein. Non, jamais détectés de façon directe. C'est-à-dire qu'on avait vu des étoiles, des systèmes binaires perdre peu à peu leur énergie, donc ralentir, et donc cela constituait une preuve un peu de la relativité générale, de l'existence d'ondes gravitationnelles, mais c'est la première fois donc qu'on détecte directement cette petite vibration de l'espace-temps. Alors ça crée vraiment un mouvement important parce qu'on parle d'un des derniers graals de la physique, cette détection d'ondes gravitationnelles. Ça peut changer beaucoup de choses dans cette physique de l'univers ? Oui, pour deux raisons. Alors, d'abord, parce que cela nous permettra de tester la relativité générale dans des régimes donc où les champs sont extrêmement forts, des phénomènes extrêmement violents, et donc on n'avait jamais pu la tester, et donc en particulier tout ce qui se passe autour d'un trou noir, qui par définition, c'est pas facile à observer. Mais deuxièmement, et c'est peut-être plus intéressant encore, c'est que ça ouvre une fenêtre sur l'univers, c'est-à-dire que comme quand on a découvert les ondes radio, on a pu non seulement communiquer entre nous, mais aussi observer l'univers dans d'autres longueurs d'onde. Et ben, de la même façon, avec les ondes gravitationnelles, on pourra étudier ce qui se passe, par exemple, au cœur des galaxies, tout près des trous noirs, etc. Alors, on vous retrouve dans ce numéro de Pour la science du mois de février, Marc Ozito, dans un entretien avec Sean Bailey. Vous nous parlez d'autres recherches très importantes de la même façon, qui vont nous ouvrir d'autres perspectives sur l'univers. C'est vraiment cette façon de capter les neutrinos au bout du monde, puisqu'on parle d'un télescope d'un nouveau type en activité au pôle sud, sous les glaces, le IceCube. Oui, tout à fait. Donc, c'est un observatoire qui est en fonction depuis 2010. Et en fait, il s'agit donc des détecteurs qui sont plongés directement dans la glace du pôle sud. En fait, la glace est un excellent moyen pour détecter les neutrinos parce que ça fait un gros volume qui est là disponible. Donc, et quand un neutrino interagit, donc il produit des particules qui vont à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Et donc, ça produit un petit rayonnement. Ces petits rayonnement est capté par ces détecteurs qui sont plongés dans la glace et donc ça permet de détecter des événements très très rares. L'expérience IceCube, c'était il y a quelques mois, donc a annoncé la découverte de quelques dizaines de neutrinos d'énergie colossale. Et c'est donc ça, parce qu'il y a différentes catégories de neutrinos. Oui, alors il y a trois types de neutrinos, au moins, que nous connaissons. Ces neutrinos peuvent être produits par différentes sources. Donc, il y a des neutrinos qui sont produits par le Soleil. Il y a des neutrinos qui sont produits par dans les explosions des supernovas. Et il y a des neutrinos qui sont produits par les rayons cosmiques. Et peut-être il y a d'autres types de neutrinos d'énergie encore plus grande qui sont produits dans des phénomènes encore plus violents que nous connaissons à peine. Et donc IceCube a peut-être découvert là un petit bout de quelque chose de nouveau. Et donc, encore une fois, ouvre une fenêtre sur l'univers que nous allons explorer par des expériences encore plus grandes. Et oui, parce que ce sont des neutrinos à haute énergie qui proviendraient donc, comme vous dites, de l'effondrement soit de supernova, soit de trous noirs. Et donc, c'est les buts et les enjeux de ces recherches, parce qu'on imagine, c'est colossal. Alors, il y a ce télescope d'un nouveau genre sous la glace, au pôle sud. Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, sous les mers? On a pensé à ça? Oui, tout à fait. Donc, il y a en fait un télescope qui a une fonction, il s'appelle Antares. Donc, c'est un télescope sous-marin, donc, qui est au large des Toulon, par 2000 mètres de fond. Et lui, il utilise l'eau très, très pure de la Méditerranée. Mmh. Donc avec un mécanisme de détection qui est très proche de celui d'Ice Cube. Et l'idée, c'est de pouvoir sonder différentes régions de l'univers de cette façon, donc avec ces nouveaux télescopes qui donc peuvent nous donner ouvrir une autre fenêtre sur ces phénomènes très très énergétiques qui auraient lieu dans l'univers le plus profond. Et donc mieux comprendre la matière de l'univers, c'est ça qu'on cherche à comprendre ? Oui, tout à fait. En fait, ça c'est une démarche qui vient de loin. C'est au moins donc depuis plusieurs milliers d'années que les hommes essaient de comprendre de quoi est faite la matière, dont nous sommes constitués par ailleurs aussi. Et donc, dans cette longue marche pour comprendre la matière, on a compris en fait que tout ce que nous connaissons est constitué des particules élémentaires, donc c'est des nouvelles réalités avec des lois nouvelles elles aussi, donc les lois de la mécanique quantique. Et il y a quelques décennies qu'on a découvert une théorie qui s'appelle le modèle standard, qui décrit donc toutes ces particules élémentaires. Et ça, c'était un grand succès à la fois de la théorie et de l'expérimentation. Qui a quand même réjailli sur quelque chose d'inattendu, parce que on se rend compte que l'univers contient beaucoup plus des choses inconnues que des choses connues, c'est-à-dire que ce que nous connaissons de l'univers, de la matière, ne représente que 5% de ce qui existe dans l'univers. Voilà, donc il y a un côté obscur de l'univers que nous allons bien comprendre. Et oui, parce que forcément, on y cherche aussi nos propres origines dans cet univers-là. Et donc, on travaille sur les neutrinos depuis combien de temps, les années 50 ? L'idée vient des années 30, donc en fait pour reprendre un peu le thème de l'émission tout à l'heure, c'est donc le thème un peu de la maladie mentale, donc Wolfgang Pauli, donc le physicien autrichien qui a imaginé que les neutrinos puissent exister, a dit cette idée, plus tard, a défini cette idée comme l'enfant insensé né de la crise de ma vie. Voilà, donc parce que c'était une hypothèse tellement énorme, inattendu et peu conventionnel, que lui-même avait peur en fait de la mettre noir sur blanc. Merci à vous, Marco Zito. On retrouve votre entretien avec Sean Bailey dans le magazine Pour la science de février sur l'astronomie des neutrinos. C'est à signaler votre livre aussi, Dans le tourbillon des particules, paru chez Belin en 2015. Et les informations, tous les liens retrouvés sur le site internet de l'émission franceculture.fr. Rubrique La marche des sciences, vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, nous suivre sur Twitter ou sur la page Facebook. Et c'est la fin de la marche des sciences. Merci de nous avoir suivis. Émission préparée avec Catherine Donnet et Anaï Morales pour les archives, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique Jacques Hubert. La semaine prochaine, diffusion de l'émission spéciale que nous allons enregistrer samedi après-midi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris sur le thème cancer, obésité, est-il encore possible de bien manger ? Grande et vaste question, mais ô combien importante en matière de santé publique. Et nous serons avec le docteur Chantal Julia, le professeur Serge Ekberg, le gastronome Perico Legas et l'économiste Bruno Parmentier. Une table ronde parmi d'autres animée, parce que toutes les autres, c'est toute la journée de 10h à 18h, seront animés par les copains de la tranche Science Culture, bien sûr. Et donc, vous pouvez nous retrouver dans ce forum France Culture La Sorbonne toute la journée, l'année vue par les sciences, quatrième saison, avec pour thème cette année, l'humain dans tous ses états. Entrée libre et gratuite sur inscription. Je vous donne toutes les informations. auditeurfranceculture@radiofrance.com. Et sinon, vous réservez votre place au 01 56 40 37 53. 01 56 40 37 53. Demain, autre rendez-vous de Culture Science à 16h. Vous retrouverez Michel Albergantier, Sciences Publiques. Il vous parlera de l'odorat. Comment l'odorat agit-il sur nos émotions?